Stephen King aime les Allemands, Stephen King aime les antiquaires, Stephen King a écrit Salem, Tobe Hooper l'a adapté et Larry Cohen en a réalisé la suite. À tous et à toutes, et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Bonjour aussi à Chris. Salut. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Tu es prêt à parler de vampires beaucoup aujourd'hui? Oui, beaucoup, effectivement. Bon, bah très bien, je propose qu'on ne traîne pas vraiment et qu'on y aille tout de suite sur Les Enfants de Salem, qui est donc un film écrit et réalisé par Larry Cohen, sorti en 1987, Return to Salem's Lot en VO, qui fait suite à la série Salem, réalisée par Tobe Hooper, 10 ans plus tôt, je crois que c'était en 1978. Il me semble que c'est bien ça, ouais. Et donc, on avait déjà parlé du roman Salem, en parlant de l'adaptation bien plus tardive de Michael Salomon, c'était notre 4e épisode, donc pour notre avis sur le roman, n'hésitez pas à vous référer à ça. Il n'est pas impossible qu'on le spoile un peu, même si, bon, a priori, vu les rapports entre cette suite et l'original, on ne devrait quand même pas en dire grand-chose. Oui, il y a même zéro rapport, vu que... Ouais. Vu que ça s'inspire, à mon avis, surtout de l'adaptation d'Hooper, donc... Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va y aller. Eh ben, allons-y. This town is dead until after dark. Welcome to Salem's Lot. Stephen King brought them to life. Vampires. Now... Bring it on here, boy! They rise from their graves again. Dad! Give me my son back! Vampires! As only Stephen King could create them. A return to Salem's Lot. Directed by Larry Cohen. Très bien, retour à Salem nous raconte l'histoire de Joe Weber, un journaliste visiblement spécialisé en anthropologie, qui va devoir récupérer son fils parce qu'il a des problèmes psychologiques d'après sa femme, et il décide d'aller avec lui s'installer dans une petite maison de famille qu'il a héritée dans la ville de Salem, et il va se rendre compte là-bas que une partie de la ville, enfin même toute la ville, est constituée de vampires. Et donc avec son fils va être de plus en plus attiré par les vampires, tandis que lui, on lui propose d'écrire une sorte de d'article ou de livre anthropologique sur cette espèce, et il hésite un peu sur le comportement à tenir. Alors globalement, le seul rapport réel avec l'adaptation de Tobe Hooper, et la seule chose qu'il faut signaler, c'est par rapport à l'état de la ville de Salem, parce que normalement, à la fin du roman, elle est brûlée, Salem. C'est la seule différence vraiment importante dans le film de Tobe Hooper. Salem reste intact à la fin. C'est pour ça que ça peut devenir de nouveau une colonie de vampires. C'est ça. Mais voilà, c'est le seul élément de rapprochement, c'est le seul personnage en commun. Donc vous pouvez largement voir Retour à Salem sans avoir vu le film de Tobe Hooper. Enfin, le téléfilm de Tobe Hooper. Ce qui est mon cas, par exemple, et aucun souci pour comprendre le bordel. Oui, pareil. Donc Larry Cohen, dont on a dit que c'était le réalisateur et scénariste, c'est quelqu'un à la carrière plutôt fournie, c'est le créateur de la série Les Envahisseurs en 67, qui est quand même un gros morceau de la série de science-fiction. Oui, carrément, oui, c'est un grand classique. Voilà. Il a aussi créé une série dont je n'ai rien vu pour le coup, mais dont je connais le nom, qui s'appelle Le Proscrit en 65. Que je ne connais pas, pour le coup. Et il a scénarisé des films comme Le Retour des Sept Mercenaires, Les Trois Maniac Cop. J'ai vu que les deux premiers qui sont sympathiques. Ah, moi j'aime beaucoup Maniac Cop. Ouais. Le 3, je l'ai pas vu pour le coup. Non, non plus. L'Avocat du Diable, que je n'ai pas vu mais qui me tentait un peu. Phone Game, c'est un scénario qu'il avait écrit assez tôt, dans les années 80, je crois, et qui a traîné pendant longtemps, voire plus tôt, il y avait Hitchcock qui voulait s'en occuper pendant une période, mais qui a mis très longtemps à se faire et qui a finalement été réalisé par Joel Schumacher en un chouette film. Ouais, qui est très très cool, avec un bon Colin Farrell dedans. Ouais, c'est ça. Et il est aussi à l'histoire, mais pas à tout le scénario, de Cellular, alors pas le Cellular dont on a parlé il y a quelques temps, mais un film avec Jason Statham qui est plutôt cool et qui a eu un remake hongkongais par Benny Chan qui est très bien. Ah d'accord, j'ai juste vu l'original avec, avec Statham, qui est un petit actionneur sympa. Bah si tu tombes sur la version de Benny Chan, je te la conseille, elle est vraiment bien. D'accord. Et ça a le même titre dans mon souvenir. En tant que réalisateur, il a fait de la blaxploitation avec des films qui s'appellent Black Caesar et Casse dans la ville. Enfin, Black Caesar. Bon, je connais pas très bien la blaxploitation, donc je les ai pas vus, mais visiblement, c'est des titres relativement réputés. Et aussi dans l'horreur, avec une trilogie Le Monstre est vivant sur un bébé tueur, un bébé monstrueux. Pareil, j'ai pas vu, mais visiblement, ça a bonne réputation. Et il a fait un épisode des Maîtres de l'horreur dans la saison 1 qui s'appelle Serial Autostopper. Ouais, l'épisode était pas trop mal de mémoire. Dans mon souvenir, c'est pas le meilleur, mais ouais, voilà. Ça va. Mais toute la saison 1, globalement, c'est plutôt agréable à visionner. Hein, donc, oui. Globalement, je suis comme toi, Larry Cohen. Je ne connais pas plus que ça le boulot qu'il a pu effectuer. Et il est décédé en 2019. Il avait écrit un scénario, en fait, déjà pour la mini-série de 79, mais celui-ci avait été refusé par la Warner. Donc c'est lui qui va proposer, quand la Warner le contacte pour réaliser un film à petit budget sans donner trop de précision, de faire une suite à Salem, vu que ben, probablement le studio avait encore les droits, il avait envie de situer ça dans un contexte vampirique, même si on va y revenir un peu plus tard, c'est un peu bizarre son rapport aux vampires. Oui. Son co-scénariste, c'est James Dixon, qui a souvent collaboré avec lui, mais principalement comme acteur, en fait, il est dans une bonne dizaine de ses films, je pense, mais c'est le seul où il est en co-scénariste. D'habitude, il est acteur dans des seconds rôles et compagnie. Il est dans les Maniac Cop, d'ailleurs, je sais plus qui y joue, mais il est dedans. D'accord. Voilà. Le rôle de Joe Weber est interprété par Michael Moriarty, qui a collaboré lui aussi plusieurs fois avec Larry Cohen dans Épouvante sur New York, La Vengeance des Monstres, ou son épisode des Maîtres de l'Horreur, bien plus tardivement. Il a aussi eu un rôle important pendant les 4 premières saisons de La Loi et l'Ordre. C'est cette série procédurale américaine. Law and Order. Ouais, en fait, je sais pas, les visuels de la série, le générique et les bruitages ont un côté marquant, mais j'ai toujours trouvé ça chiant comme la mort le peu de fois où je l'ai vu. C'est très procédural, ultra classique, très terre à terre en plus. Ouais. Ouais, pareil, pour en avoir regardé quelques-uns, c'est, je trouve, peu divertissant, mais du coup, je comprends pourquoi ça plaît. Ça plaît assez pour qu'ils en soient à la 21e saison. Voilà. Visiblement, c'est aussi un très bon pianiste de jazz. Voilà. Il se déclare, j'ai vu des déclarations politiques de lui, il se dit centriste ou réaliste, donc il est de droite. Hein, voilà, là, exactement. C'est et il a scénarisé un politique film... politique dans le podcast, oui. Ça. Voilà, c'est ça, bien sûr. Et il a scénarisé un film et joué Hitler dans quelque chose qui s'appelle Hitler Meets Christ, en 2007. On y revient tout le temps. Sur des mendiants qui se prennent pour Hitler et Jésus. Bah voilà, c'est super. Voilà. Ça me vend beaucoup plus de rêves que les enfants de Salem. Ouais, hein. Son fils, il est joué par Ricky Addison Reed, dont c'est le seul crédit sur IMDb. Le chasseur de nazis, Von Reed, encore celui un chasseur de nazis, est joué par Samuel Fuller, surtout connu pour sa carrière de réalisateur. Son film le plus connu, je pense que c'est Shock Corridor, ouais. Du moins chez nous. J'ai aussi vu Violence à Park Crow, qui est très sympa mais assez classique de lui, c'est plutôt son début de carrière. Et il a fait des choses comme La Maison de Bambou, The Crimson Kimono, Les Bas-fonds New-Yorkais et Au-delà de la gloire, donc c'est des titres que je connais, mais comme c'est régulièrement le film de guerre qu'il a fait, et que c'est pas un genre dont je suis plus fan que ça, bah j'en ai pas vu tant que ça en fait. Il a été par contre régulièrement acteur, mais toujours dans des seconds rôles, mais par contre il a quand même une filmographie assez prestigieuse à ce niveau-là, puisqu'on le voit dans Pierrot le Fou, et enfin de Godard donc, The Last Movie de Dennis Hopper, La vie de bohème d'Aki Kaurismäki, L'ami américain, L'état des choses, Ahmet et The End of Violence de Wim Wenders, 1941 de Spielberg, Le sang des autres de Chabrol. Donc en fait, visiblement, il a une assez bonne aura en tant que réalisateur pour avoir été appelé à collaborer avec bah, que des grands noms là que j'ai cités quand même. Oui. Visiblement, sa popularité est pas mal française quand même. Enfin, et européenne. Le juge Alex est joué par Andrew Dugan. C'est son dernier rôle avant sa mort d'ailleurs. Il avait déjà joué plusieurs fois pour Cohen et il a une grosse carrière de second couteau dans des séries et films, pas mal dans des trucs policiers ou western, comme on en faisait plein dans les années 50-60. Et enfin, dernier détail amusant, on peut mentionner que la jeune vampire avec qui le fils du héros devient ami, elle est jouée par Tara Reid, donc c'est le premier rôle au cinéma. Voilà. avant une carrière brillante dans Urban Legend ou American Pie. Voilà. Voilà. voilà. C'est, on va y revenir, ça avait peut-être pas très bien démarré non plus. Hein. Voilà. Le film est tourné dans le Vermont en 86, un peu à New York aussi. Il est projeté au Festival de Cannes, je pense, sur le marché du film en 87, parce que, bon, c'est pas en compétition officielle, faut pas non, déconner. Non, je vois pas pourquoi. Non, non. Puis il sort de façon limitée à la fin de l'année 87. IMDb estime le budget à environ 12 millions, ce qui me paraît beaucoup pour un film dont on disait que c'était un petit budget à l'époque. Ben, mais surtout, bon. Où sont passés les 12 millions ? Oui, aussi. Donc je pense que c'est moins, mais bon. Et voilà une petite déclaration du réalisateur sur ce qu'il voulait faire dans le film, on y reviendra. Mon intention était depuis le début d'amener de l'humour dans le film en jouant avec les éléments convenus des films de vampires. Le public peut reconnaître des éléments de cette mythologie et sait ce qu'ils représentent, mais je n'aime pas beaucoup les films de vampires. Ils m'ennuient. Dans Les Enfants de Salem, j'ai essayé de moderniser la légende en faisant des vampires la race la plus persécutée d'Europe. Voilà, on y reviendra. Et on peut signaler le directeur photo, Daniel Pearl, qui est très actif dans le milieu du clip vidéo, mais aussi sur pas mal de films, notamment de films de genre. Alors, il a fait l'original Massacre à la tronçonneuse, c'était son premier travail d'ailleurs en tant que directeur photo. Il a fait aussi le remake de 2003, L'Invasion vient de Mars, de Tobe Hooper, qui est inégal, mais qui est sympathique, La Vengeance des Monstres, de Larry Cohen, Le Vendredi 13 de 2009, Alien vs Predator Requiem, voilà, No One Lives de Kitamura, The Boy et Mom and Dad. Pour le coup, celui-là est très sympa, Mom and Dad. Donc surtout du cinéma de genre. Bon, ici, probablement à cause du budget, il peut pas faire grand-chose. Hein. Ouais. Ça fait très téléfilm. Enfin, on s'en fout un peu de la photo, elle est très plate. C'est ça. Et la musique est de Michael Minar, qui avait déjà collaboré avec Larry Cohen, quelle surprise, sur Special Effects et Perfect Strangers, et à part ça, il a fait des courts-métrages, des docus, et c'est tout. Et dans le film, bah, moi j'ai pas fait tellement attention à la musique, elle fait le taf, mais ça va pas plus loin. Oui, pareil, j'ai rien relevé de particulier. Et bon, le film, il y a quelques critiques qui vont noter et dire que l'aspect allégorique est intéressant, mais beaucoup vont déplorer le jeu des acteurs et la réalisation de qualité très faible, et le scénario aussi. Et le film a actuellement 24% sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 31e à égalité avec Quicksilver Highway, et 1,6 étoiles sur Allociné, ce qui le place 35e entre Dreamcatcher et Trucks et Mangler 2. Voilà. Et donc on va pouvoir passer à nos avis, parce que je n'en sais pas plus, je pense que King s'en fout de cette suite. Et très sincèrement, j'aurais bien aimé être dans son cas. C'est parti. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai la peau très dure. Avec ou sans lunettes, monsieur, un conseil, foutez le camp de cette ville. Vous avez l'air d'un type bien, Joe. Je ne pige pas pourquoi vous voulez protéger un nazi. Un quoi ? Un nazi. Un nazi ? Ben oui, mon Dieu ! Avouez que c'était Sterling. Un nazi ? Ouais. Ici, à Sterling. Oui. Vous savez, même un nazi, le plus recherché soit-il, ne chercherait pas refuge à Salem. Et à vous entendre, on croirait que la ville regorge de fous de pestiférés. Boucle-la ! Tu fermes ta gueule à la con. Quant à vous, foutez le camp. Oh, quelle vulgarité. En voilà des façons de parler à son père. Et surtout pour un invité. Il n'est pas dans son état normal. Toi, viens ici. Le film se trouve entre Trucks et Mangler 2. Sur Allociné. Eh ben, enfin oui, selon le classement Allociné, eh ben, sache que j'ai pris beaucoup plus de plaisir devant Trucks que devant Les Enfants de Salem, qui est un film royalement chiant. Doté de personnages royalement chiants, c'est-à-dire des rôles d'enfants au cinéma qui sont chiants, j'en ai vu, mais alors des casse-couilles comme lui, c'est incroyable quoi. Oui. Il passe son temps à insulter tout le monde, il est insupportable. Le rôle du père, c'est pareil, il est insupportable. En fait, le vrai problème que j'ai, en plus du fait que les personnages sont insupportables, c'est que bah, moi je suis du côté des vampires dans ce film. Genre les vampires, ils étaient tranquilles dans leur coin. Les mecs arrivent, et en fait c'est un peu eux qui font la merde, quoi. Ouais, après les vampires tuaient des gens, quand même. Oui, mais on voit qu'ils essayent de changer un peu. Oui. Parce que ils essayent de plutôt se nourrir des vaches, et tout ça. On voit qu'il y a un début de changement qui est amené, et les autres arrivent et ils bazardent tout, quoi. C'est, mais de toute façon, j'ai pas compris ce que le film voulait me raconter, même avec la métaphore des vampires, de qu'est-ce que ça voulait représenter? Est-ce que c'est justement une parodie de la société américaine qui essaie de corriger ses défauts? J'en sais rien, en fait. Moi non plus, j'ai pas compris. J'ai pas compris le message. J'ai pas compris ce que foutait ce chasseur de nazis ici. Non, bah après moi... Enfin, pardon, ce chasseur de nazis. Oui. Comme ils disent dans la VF. La VF est très rigolo. Les nazis. Après, bon, on parle de nazis, moi, ça me fait toujours un peu plaisir, mais... Oui, mais c'est bon. Mieux quand c'est pas chiant. Oui, voilà. Ça, j'aurais préféré qu'il y ait des vrais nazis, que les vampires soient nazis, par exemple. Oui, parce que en plus, rien ne le prouve, quoi. Bah, c'est même plutôt l'inverse. Il dit, je suis chasseur de nazis, mais je peux me reconvertir dans le vampire, c'est pas ce qu'il dit. Et lui aussi, son personnage, d'ailleurs, bah, c'est vraiment le Deus Ex Machina. Il est invincible, immortel. Et pour le coup, c'est son personnage représente vraiment l'aspect comique que Cohen voulait filer à son film. Oui. Bon, il y a peut-être 2-3 autres scènes où, avec les vampires, sur la manière dont ils agissent, peut y avoir un aspect comique. Mmh. La seule scène où il y a un aspect un peu malsain qui fonctionne bien, c'est celle du mariage des enfants. Ouais. Là, je trouve qu'il y a un petit truc qui fonctionne. Ouais, c'est une scène plutôt réussie, effectivement. Mais effectivement, sinon, ben, en fait, on a l'impression que ça va nulle part. Les motivations des personnages sont floues. Cette histoire de vouloir écrire une anthropologie sur les vampires n'est pas assez creusée. Et pour un comprenant, c'est intéressant. Oui, et puis même, en fait, le dilemme du personnage est intéressant, parce qu'en soi, le fait que c'est lui qui fout la merde, peut-être, mais il veut quand même récupérer son fils, et c'est compréhensible qu'il ne veuille pas que son fils soit transformé en vampire. Oui, mais même ça, c'est mal écrit, parce que des fois, il veut le récupérer... Et des fois, t'as l'impression qu'il s'en fout un peu de ce que son fils va faire ou veut faire. C'est-à-dire, quand son fils lui dit qu'il veut être vampire, bon. Son fils lui dit, bah quoi, toi t'es bien en train d'écrire un livre sur les vampires. Ouais. Et puis l'autre, il fait, bon, ah, c'est vrai, t'as raison finalement. Allez, surtout transformé en vampire par Tararit, quoi, c'est quand même un mauvais début dans la vie. Ah oui, voilà, en plus. Mais c'est même pas transformé en vampire, c'est être un bâtard, comme il l'appelle. Oui. C'est ces humains qu'ils ont convertis et qui les forcent à travailler la nuit, le jour, pour que justement eux passent inaperçus. Mm. Donc c'est encore pire. Ouais, voilà, donc... Ouais, globalement, on dirait qu'il a voulu mettre des trucs dans son film et qu'ils ont été jetés un peu en vrac et qu'il manque une unité. Et puis ouais, la réalisation, je suis d'accord, elle est pas, quoi. La fin est chiante comme la mort. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'il manque en fait une ligne de conduite. Mm. Mais oui, la fin... Avec le vieux qui revient encore une fois. Ouais. Au volant de son autocar extraordinaire. Bon, et puis toute la partie même où ils tuent tous les vampires, où ils font le tour des maisons pour les brûler, c'est plat, il n'y a aucun rythme, il n'y a rien. C'est ça. Ça dure longtemps. Moi, il y a un moment, je faisais un peu autre chose pendant le film, parce que je me faisais vraiment chier. Ah oui, on est d'accord. C'est vraiment un film chiant. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est incroyable. Ça manque de rythme, ça manque de tout, quoi. Je pense que la VF aide pas, parce qu'elle est quand même particulièrement naze. Elle est très mauvaise. Des fois, j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais soit les doubleurs ont des voix très proches les uns des autres, soit il y en a qui doublent plusieurs personnages, parce que des fois j'avais du mal à faire une différence, moi. Sur des petites productions comme ça, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Hein. Ouais, voilà. Un doubleur et plusieurs rôles, voilà. Mais après, en fait, comme d'hab, avec des productions à bas budget comme ça, les mecs s'en foutent, et du coup, bah, t'as des doubleurs qui sont censés doubler des enfants, et tu sens que le mec, il a 35 ans, quoi. Ouais, tu sens que c'est des mecs qui prennent un peu... Enfin, ou des femmes, plutôt, qui prennent une voix un peu jeune, mais ça marche pas. Voilà. La voix du gamin, ça ne colle pas du tout, quoi. Mm-hmm. En plus du fait qu'il est vu lire comme un charretier. D'ailleurs, je comprends pas déjà le début avec ce gamin. C'est-à-dire, on nous dit qu'il a des problèmes, il a des problèmes mentaux. Il a pas des problèmes mentaux, c'est un petit con qui fait une crise d'adolescence. Oui, voilà, c'est ça. Il a des problèmes mentaux, bah non, en fait. Mais par contre, je pense que son père a des petits problèmes, vu comment il s'adresse à lui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène extraordinaire où il lui demande texto, alors t'as baisé ? Bah oui. Bah... Comment ça, tu demandes pas ça comme ça depuis ton blanc à ton gamin qui a 15 ans, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, surtout vu l'âge qu'a l'air d'avoir la fille avec qui il est, parce qu'elle, elle a l'air d'en avoir 10 par contre. Voilà, c'est ça. Bon. Tu dis, bah, qu'est-ce qui lui arrive à lui tout d'un coup? C'est pas le père de l'année, lui. Hein. Mm. Mais du coup, ça ne vaut même pas pour un côté un peu nanardesque, parce que même ça, c'est pas suffisant. Non, c'est vraiment juste très navé, là. Avec. Pas grand chose à sauver. Puis ouais, j'ai beau lire les propos de Larry Cohen, enfin on n'en trouve pas des masses, j'arrive vraiment pas à voir où ça veut en venir. Est-ce qu'on doit prendre pitié pour les vampires? Mais c'est quand même des tueurs, certes ils essaient de changer, mais ils ont l'air. Enfin, dans leur manière de tuer, ça a l'air d'être relativement. Ils se défoulent. Ils sont présentés comme préférant quand même le sang humain au sang animal, donc ça nous dit un peu qu'ils ont, ils arriveront peut-être pas à contenir leur nature. Donc où ça veut en venir en fait, je comprends pas du tout. Je pense moi que vraiment le but c'était de te faire ressentir de l'empathie pour les vampires, mais oui, effectivement c'est très mal fait. Mais je pense que c'était le but avoué du film, hein, de Cohen. Hein. Ouais, mais du coup pourquoi? Je ne sais pas ça. Et le but, c'est qu'à la fin, on soit pas content que les héros aient gagné. Comme on disait, en fait, ça manque d'un vrai fil conducteur. Mm. Parce que du coup, le film ne fait que se contredire. C'est difficile de considérer un personnage de chasseur de nazis, et donc d'installer un comparatif entre les vampires et les nazis, et de dire que c'est le chasseur de nazis qui a tort derrière. Oui. Je comprends. Donc, voilà. C'est... Je suis aussi incrédule que toi. C'est, ouais, bon, bien sûr, les rapports avec l'œuvre de King, je pense que c'est vraiment juste pour une question de droit et pour essayer d'attirer du monde, hein, parce que sinon ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville vampirique, oui. Ça reviendrait strictement au même. Il y a aucune importance que ce soit Salem. Oui, non, clairement aucune. Clairement aucune. Mais ouais, moi, ça fait partie, ça va aller bas, hein. Je pense que ça fait partie des trucs les plus durs que j'ai vus. Hein. Je vois même pas trop quoi rajouter, tellement je me suis fait chier et tellement voilà. J'ai trouvé ça vide. C'est ça, je pense que vraiment, pour le coup, c'est l'un des films les plus chiants qu'on ait vus. Ouais. Vraiment les plus chiants. Il y a même pas le côté amateuriste où on peut au moins signaler des trucs comme dans Mangler Reborn, c'est triste. Même Dr. Sleep, qui pourtant est long, a des qualités. Ouais. Tu vois, il a au moins pour lui une belle photographie, Dr. Sleep. Parce que la tradition veut qu'on en parle à chaque fois. Et un meilleur jeu quand même. Et un meilleur jeu d'acteur. Ouais. Et même, tu te fais quand même moins chier devant Dr. Sleep. Oui, oui, bah t'es plus occupé à t'énerver, donc ouais. Voilà, c'est ça. Après, notre dégoût envers Dr. Sleep n'est pas porté sur les mêmes sujets, du coup, n'est pas voilà, on verra bien au classement, mais bon, je pense qu'on peut passer tout de suite à une petite scène de ça, essayer de pas vous pendre pendant la scène, voilà, pas vous enfuir. Allez, on y va. On y va. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. Très bien, donc en extrait, on a eu du mal à choisir. On va vous passer un passage de la présentation de la ville, notamment autour des enfants malsains, parce que c'est peut-être le truc le mieux géré du film. Donc on essaie d'être. Vous voyez, on essaie d'être un peu frangeux, quoi. C'est de bien vous. C'est parti pour l'extrait. Vous dormez jamais? Je veux dire, tu n'es jamais fatiguée? Non, je dors bien assez. Tiens, regarde, Joseph. Jérémy s'est trouvé de nouveaux amis. Tout se passe bien. Va! Il se sent en sécurité. Et aussi heureux que toi quand tu avais le même âge. Je vais te présenter une personne qui t'est chère. Elle a attendu patiemment que tu nous reviennes. C'est une grande joie pour elle. Très bien, voilà, donc c'est une ville où les enfants sont heureux et où donc... Voilà. Je sais même pas quoi dire. Et des enfants heureux qui tuent des clodos. Oui, bon, bah ça, voilà. Cette scène. Ouais, c'est vrai qu'il y a la scène des clodos. À la limite, cette scène, encore, ça va. Parce que du coup, c'est quand tu vois que des enfants arrivent en pleine nuit, tu te dis, ah, effectivement, il y a un truc pas normal dans cette ville. Ouais. Et après, bah, les enfants, tu comprends. Parce que il me semble que c'est pas montré dans le film. Parce que le film est très soft. Niveau effet de violence et effet de gore. Mis à part les moments où ils balancent de l'eau bénite sur la gueule des zombies, des vampires, et que ça les fait fondre la gueule, c'est le seul moment où il y a un peu de violence visuelle. Mais dans cette scène avec les gamins qui surgissent et qui attaquent, en fait, ça marche parce que dès qu'il y a des enfants dans un film d'horreur, et que les enfants ont un visage assez angélique, ça fonctionne. Oui. Parce que il y a, je pense, ce regard adulte, qu'on peut pas s'empêcher d'avoir de dégoût quand on te montre l'innocence de l'enfance face à l'horreur d'une chose aussi dégueulasse qu'un vampire, oui. Ce que peut faire un vampire. Bon, c'est complètement là-dessus que ça joue. Hein. Mais pour le coup, c'est pas trop mal fait. Après, il y a, j'ai l'impression que c'est de traiter de cette ambiguïté classique du vampire enfant, à savoir quel est son âge psychologiquement en fait. Et l'âge physique ou l'âge mental. Mais ça, c'est assez mal traité, je trouve. C'est un peu amené dans cet extrait, t'as le côté des enfants, ils n'arrivent pas à se contrôler, donc ils vont tuer des clodos, donc ça fait très enfantin, mais en même temps ils ont l'air très matures aussi. C'était un thème qui est assez central dans Entretien avec un vampire, par exemple, mais qui est mieux traité, je trouve, dans Entretien avec un vampire. Oui, clairement. Ou dans Morse, d'ailleurs. Mm. Là, voilà, c'est... Mais après, ça donne effectivement au moins des scènes qui marchent. Il y a une petite musique un peu angoissante. À la fin, ça mentionne le love interest du héros, donc quelqu'un qu'il avait déjà vu dans la ville quand il avait 17 ans, dont il était tombé amoureux, mais il n'y avait rien eu à l'époque. Et non, justement, elle avait 17 ans, mais lui en avait 14. Ah oui, voilà, ça. C'est ça. Ouais. Lui était beaucoup plus jeune. Et elle a toujours 17 ans, mais... Du coup, c'est dégueulasse. Voilà. Bah, du coup, c'est dégueulasse, ouais. Parce que lui, maintenant, il en a pas loin d'une trentaine, et donc il se tape une gamine de 17 ans, donc c'est dégueulasse. Ouais, après, c'est l'argument... C'est une déesse millénaire. Et on connaît, c'est l'argument des otaku, des fans de manga. Mais non, animé, elle a pas 8 ans, c'est une déesse millénaire. Oui, tu sais, toi comme moi, on aime aussi beaucoup la culture japonaise, et pourtant, ça, c'est le genre de truc qui nous fait gerber, donc bon... Ouais. Donc surtout que on a l'impression vraiment que le personnage est là juste pour assurer le quota de planichon du film, parce que sinon il apporte vraiment pas grand chose à l'intrigue, on n'a même pas l'impression qu'elle joue tellement dans son hésitation à rester en ville, ou alors c'est mal traité. Je pense que voilà, il y a des pistes de partout, et il n'y a rien qui est bien traité. Ouais, mais c'est ça, c'est un manque d'unité en fait. Ça manquait peut-être d'un producteur exécutif sur le terrain, pour dire, dis donc, tu serais pas en train de t'éparpiller un peu là? Ouais, peut-être. Ou je sais pas, peut-être que Larry Cohen a écrit son scénario en speed, qu'il avait juste besoin d'un peu d'argent à l'époque. Hein. C'est pas tout à fait à exclure non plus. C'est possible aussi. Mais voilà, je vois vraiment pas quoi vous conseiller dans ce film-là, donc je pense qu'on peut tout de suite classer ça. On peut même totalement le déconseiller, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Plutôt que de conseiller. Même si vous aimez Vampire, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup mieux en termes de Vampire à voir. Et même en termes de vampires utilisés pour faire passer une critique sociale, on peut trouver bien mieux, je pense. Ah bah oui, clairement. Clairement, et même, enfin, n'importe quel... Enfin, films de vampires, n'importe quel thème, on peut en citer plein, qui sont beaucoup mieux que les enfants de Salem. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, rien que dans les films proches de nous, Je suis une légende, c'est 10 fois mieux que ça, quoi. Ouais, voilà. Et pourtant, alors, ça a des défauts, Je suis une légende. Si ça fait très zombie, je trouve, Je suis une légende. C'est des vampires, mais... C'est des vampires, mais oui, après, ils ont une apparence zombie. Mais après, Je suis une légende, regardez plutôt la version director cut, donc avec la fin pas cinéma, qui est beaucoup mieux, ou même l'original, la première adaptation aussi. Ou même lisez le roman, qui est un grand classique de la littérature fantastique, qui est génial. Puis, alors, c'est un peu ambigu dans l'idée de film de vampire, mais un peu Martin, quand même. Oui, Martin, c'est... de Georges Romero. Il y a une ambiguïté, on est d'accord, mais... Tout à fait, voilà. Ou Morse, même, qu'on a mentionné. Ou Morse, effectivement. Mentionné un petit peu avant. Donc, ouais, il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Ne regardez pas ça. Voilà. Et on va le classer. Très bien, donc nous n'avons pas besoin de classer de livres vu que Salem s'est déjà fait. Pour information, il a actuellement la 10e place sur 31 de notre classement des livres. Et dans les films, nous avons pour le moment 40 titres, avec aux 3 premières places Carrie de Brian de Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux 3 dernières, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Vous retrouverez le classement complet dans la description. Et donc bon, les enfants de Salem, ça a vraiment pas volé haut. Hein. Les enfants de Salem, c'est compliqué. Vraiment autant fait chier. Comme on dit dans le milieu, c'est compliqué. C'est-à-dire... déjà, je suis d'accord avec toi, jusqu'à Trux... Je me suis assez clairement moins fait chier. Ouais, clairement. Donc en dessous de la 32e place. Et Honnêtement, jusqu'au fléau, même le fléau, je peux lui trouver quelques qualités. Pas beaucoup. Ouais. Je me suis beaucoup fait chier. Mais ça me paraissait moins confus que ne l'était celui-là. Et j'ai envie de te dire, même c'est... Mangler 2, finalement, qui lui a un côté un peu nanar, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, voilà, Mangler Reborn... Non, Mangler Reborn, c'est vraiment une purge. C'est vraiment de la merde. Enfin, les autres aussi, hein, entendons-nous bien. Le fléau, c'est quand même globalement de la merde. Hein. Oui, Jesse aussi, les deux démons du maïs aussi, ça, enfin... Mais, vraiment... The Mangler Reborn, il n'y a rien à sauver. Il n'y a même pas ce petit cachet nanardesque qui aurait pu avoir. Tandis que The Mangler 2, ouais, ça va... Il y a la scène de la semence qui est un peu rigolote. Voilà. Ouais, je propose 39e place. Mais attends, je rappelle, dans Mangler 2, il y a cette scène extraordinaire où les mecs arrivent en bagnole et la bagnole est pleine de fumée, quoi. Oui, la bagnole bocale. La bagnole aquarium des gros drogués, quoi. Rien que pour ça, Mangler 2, ça va au-dessus. Ouais, ouais, bon bah, 39e place, hein, je pense. 39e place. Entre Mangler 2 et Mangler Reborn. Écoute, ça me va, je vais pas me battre avec toi pour ça. Voilà, donc encore un film qui bouleverse le flop 3, puisque The Mangler 2 en sort, et les enfants de Salem y rentrent. Les deux derniers sont toujours les mêmes, par contre. Bon, bah voilà, hein, ça a été un épisode assez court. Désolé pour ça. Ouais, mais bon, il y a un moment, on va pas vous infliger ça plus longtemps. Bah, surtout que on a rien à dire, quoi. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, on peut dériver un peu sur des bons films de vampires, mais bon. Ouais, il y a des limites. Donc bon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce film. On est toujours à la recherche de gens bizarres. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Discord, on mettra le lien dans la description. Sur Twitter, c'est quoi nos... Sur Twitter, c'est @cinémaarchiviste pour toi, @augrèsdesbulles pour moi. Ouais. On hésite donc à commencer un podcast plus large, en passant par Twitch probablement, donc sur le cinéma de manière générale. Voilà, faut qu'on trouve le temps d'en rediscuter entre nous, voilà. Et de s'organiser, de voir techniquement comment ça se passe, voilà. Aussi. Mais... Ça serait, à mon avis, on partirait plutôt sur un dimanche. Ouais, il y a de fortes chances, ouais. Lors de live, parce que du coup, ça serait organisé en live, forcément, sur Twitch. Il y a de fortes chances donc qu'on partirait plutôt sur un dimanche. Après, matin ou après-midi, on verra. Ouais, bah moi j'ai du travail le dimanche matin ensemble. Donc ça sera plutôt le dimanche après-midi. Plutôt, ouais, a priori. Donc dites-nous si ça peut vous intéresser, surtout. Ouais. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour parler du Rapace Nocturne. Et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.